Émission numéro 16 du 12 mars 2010. Bonjour et bienvenue à la 16e émission du podcast du volet audio des éditions de l'Avenir. Christian Martin au microphone. J'ai quelques petites choses à vous mentionner avant de vous présenter la 10e partie de notre aventure de Mazas Pavel. D'abord, notre podcast. Ça y est, j'ai atteint la limite de stockage de pods basiques. Je vais donc commencer à retirer les premières émissions et les mettrai en archive sur archive.org. Vous retrouverez sous peu sur le site du podcast et sur notre blog un lien qui vous en donnera l'accès. Vous pourrez alors vous procurer ces premières émissions en téléchargement direct. Dans les nouveautés audio du blog, vous avez eu droit hier au chapitre 25 et 26 de notre aventure de Rouletabille, Le mystère de la chambre jaune. Quand je vous aurai dit que cette histoire compte 29 chapitres, vous comprendrez que nous approchons de la fin. Jeudi prochain, je profiterai d'une semaine pause Rouletabille pour mettre en ligne la troisième partie de 5 de l'affaire Blaireau. Autre chose maintenant. Je vous l'ai sans doute déjà mentionné, mais de le répéter ne fera aucun tort. Cathy, alias K00, notre interprète de Mazas Pavel, a maintenant sa propre émission sur audiolibris.net dans laquelle elle rencontre, majoritairement, des auteurs. Elle m'a fait l'honneur de m'offrir 2 interventions. Dans la première, je parle de mon parcours de lecteur, et dans la seconde, je raconte un peu ce que sont les éditions de l'avenir. Vous retrouverez toutes les émissions de Cathy sur audiolibris.net. J'ai des nouvelles de Mario Fecteau. Mario est l'auteur de La variété adénique que vous avez entendu lors de la 6e émission de notre podcast. Il est également l'auteur de 2 romans jeunesse parus chez Boréal au Québec, mais surtout, il est l'auteur de la série de fantasy « Les Maîtres du Pentacle ». À ce sujet, bonne nouvelle, le 3e tome de 5 est sorti et devrait être en librairie, du moins au Québec, sous peu. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter le site de l'éditeur à www.éditionsmichelquintin.ca. La semaine dernière, Mazas et ses amis durent sacrifier le cœur de Fomalo pour tromper la vigilance du Team 4 de Baalol. Ils se serrèrent donc dans une nacelle et se réfugièrent sur Coriolan 5, une planète habitée. Les éditions de l'avenir présentent Agents de l'OMU, une aventure de Mazas Pavel, roman fanique d'André Bory, paru à l'origine dans la Gazette de Terrania et Basis hors série, numéro 4. Chapitre 5. Un honorable correspondant. Après s'être dérouillé des jambes pendant quelques minutes, ils entreprirent de vider la nacelle du matériel qu'ils avaient réussi à y entasser. Puis, avec précaution, ils firent glisser le sarcophage hors de l'habitacle et s'assurèrent du bon fonctionnement de la petite pile atomique qui alimentait le système de réfrigération chargé de maintenir l'infortuné rouquin en état de vie suspendu. À présent, il va falloir lui trouver une cachette qui ne risque pas d'être découverte fortuitement. Dans l'heure qui suivit, les quatre compagnons s'égayèrent dans toutes les directions afin de chercher l'emplacement idéal. C'est Goral qui découvrit une faille étroite et profonde de 3 mètres à quelques kilomètres de l'endroit de leur atterrissage. À l'aide de leurs antigés, le conteneur cryogénique y fut amené et déposé au fond. Mazas disposa un émetteur sous le couvercle métallique. Quand nous reviendrons pour récupérer Kalec, il se déclenchera à la réception du signal d'appel. Il suffira d'un goniot pour le retrouver sans peine. Puis, les 3 hommes et la jeune femme unirent leurs efforts pour rouler des rochers qui simulèrent la cassure dans le sol pierreux. Ça serait vraiment un coup de malchance si quelqu'un le découvrait, estima Goral en prenant un peu de recul pour contempler la mare rocheuse qui recouvrait la salle d'hibernation. Ils rejoignirent la nacelle, cachée dans son anfractuosité. Ils s'équipèrent avec le matériel qu'ils avaient pu emmener avec eux lors de l'abandon du cœur de Fomalo. Et maintenant, quel est le programme? Demanda Corton en se tournant vers Mazas. Je vais lancer un signal d'alerte. S'il y a un agent de l'OMU sur ce monde, il le recevra et pourra nous contacter. Quelle est la portée de ton bracelet? Illimité, en théorie. Ce qui signifie qu'il pourrait atteindre un agent qui se trouverait sur Coriolan 2 ou ailleurs. Faut quand même pas trop rêver. Je me disais aussi. Alors que l'envoyé d'Atlan effectuait un réglage sur son bracelet, Steve s'informa. Sur quel principe fonctionne ton appareil? Il s'agit d'ondes ultra-courtes, sur une fréquence propre à l'OMU, avec un codage qui les rend intraduisibles à quiconque tomberait dessus par hasard. Chaque agent a son numéro d'appel et sa longueur d'onde personnelle, et l'appareil ne peut être utilisé que par celui-ci. Ne me demande pas comment les techniciens Swoon ont réussi ce tour de force. Ce qui permet aux centrales de l'OMU de retrouver de qui il s'agit, pour peu que le récepteur du message lui transmette le signal reçu. Ainsi, le Lord Amiral peut être avisé de notre présence sur Coriolan 5. Oui, mais les rouages de l'organisation sont tellement complexes que l'information risque de mettre un moment à lui parvenir. Et elle n'a aucune chance d'aboutir directement sur son bureau s'il ne la réclame pas. Elle sera simplement stockée dans les mémoires du cerveau central en attendant que quelqu'un s'y intéresse. Goral approuva de la tête ce que venait de dire la jeune femme et ajouta « Si nous avons un agent sur ce monde, son récepteur va automatiquement mémoriser le signal de Mazas. Il sera ainsi en mesure de nous contacter. Nous rejoindre après ne sera plus qu'un jeu d'enfant. »« S'il y a quelqu'un... » murmura Corton d'un air dubitatif. Steve lui lança un coup d'œil ironique. « Défaitiste. » Chapitre 5, deuxième partie. Depuis plus de 5 heures, Mazas et ses compagnons attendaient vainement une réponse au signal expédié à l'aide du bracelet de la jeune femme. « Défaitiste, hein ?» grommela Corton en jetant un regard torve à son ami. Le pilote tordit sa bouche en une grimace comique, mais ne dit pas un mot. Goral s'enquit. « Crois-tu que nous ayons encore une chance d'avoir une réponse ?»« Honnêtement, je ne crois pas. » « Alors ?»« On va quitter ce ravissant champ de cailloux et aller faire un tour vers la civilisation. Quand on aura trouvé une ville, il sera toujours temps d'envisager un plan pour quitter Corolian 5. »« Ouais, je suppose qu'il n'y a pas d'autre solution. » Se partageant le matériel qu'ils jugeaient indispensable, ils se harnachèrent et mirent leur propulseur antigé en marche. Puis, suivant le relief du sol à 2 mètres d'altitude, ils se dirigèrent vers l'agglomération lointaine qu'ils avaient aperçue avant de poser la navette, dans la zone montagneuse où ils l'avaient dissimulée. Il progressait avec prudence depuis une bonne heure quand Mazas, qui menait la petite troupe, interrompit leur vol d'un geste de la main. Steve le rejoignit. Qu'est-ce qu'il y a? Elle pointa le doigt en direction d'un corps de bâtiment levé au fond d'une vallée recouverte d'un tapis herbeux de teinte bleu clair. On devrait pouvoir y trouver des vêtements plus appropriés et plus discrets que nos combinaisons spatiales. Et tu comptes les payer comment? S'informa le pilote d'un ton sarcastique. Sans lui répondre, elle se contenta de tirer à moitié le radium psi de sa ceinture. Évidemment, si tu emploies les grands moyens, concéda le jeune homme. Mazas lui grimaça un sourire avant d'ajouter, l'air beaucoup plus sérieux. Je me suis aperçu tout à l'heure que nous n'avions pas de recherche pour cet engin. Quand je m'en suis servi, lorsque j'ai interrogé le petit cavernicole sur Osilax, je n'ai pas pensé à vérifier sa charge. Mais de toute façon, je n'ai pas supposé un seul instant que tu n'en possédais pas d'autre. Déjà bien beau que j'ai eu un radiant psy à bord du cœur de Fomalo. Bougonna Steve, avant d'ajouter en s'énervant quelque peu. Je savais bien que la vie des indigènes de cette foutue planète ne présentait aucun intérêt. Mais il a fallu que tu perdes ton temps et une partie de l'énergie du radiant. Ça suffit. Ce n'est de toute manière pas avec un radiant psy, même à pleine charge, que nous pourrons quitter Corollian 5. C'est vrai. Excuse-moi. L'air soudain penaud de Steve amena un bref sourire amusé sur les lèvres de Mazas. Corton Sankey. Ici, il s'agit d'une ferme indigène. On ira chercher plus loin. Effectivement, ma question était idiote. Mais non. Persifla le pilote, content de rendre la monnaie de sa pièce à son ami. Avec précaution, se servant du relief tourmenté pour effectuer une approche discrète, les quatre compagnons se rapprochèrent de l'habitation qui, ils s'en aperçurent en arrivant à proximité, était construite en bois. Un filet de fumée s'échappait d'une cheminée, rappelant aux naufragés que le climat de Coriolan était assez rude et que lorsqu'ils se seraient débarrassés de leur combinaison isotherme, ils auraient intérêt à posséder des vêtements chauds. Les alentours étant déserts, ils purent atteindre la porte d'entrée sans déclencher la moindre réaction de la part des habitants. Le radiant psy pointé devant elle, Mazas cogna du poing contre lui. Un bruit de pas se fit entendre. Et après le son caractéristique d'un verrou que l'on manipule, la porte s'ouvrit sur une petite fille dont les yeux s'écarquillèrent à la vue des quatre visiteurs. Prestement, la Karzassienne pivota d'un quart de tour et glissa discrètement le radiant dans sa poche. Bonjour madame, bonjour messieurs. La petite voix flûtée ne manifestait pas la moindre inquiétude. Bonjour petite, est-ce que tes parents sont là? Ma mère seulement. Mon père et mes frères sont en train de réunir le troupeau de Zorkil. Est-ce que nous pouvons voir ta mère? La gamine se retourna et cria. Maman, il y a une dame et des messieurs qui viennent te voir. C'est à quel sujet? Tournant la tête, les quatre arrivants aperçurent le mufle légèrement évasé d'un désintégrateur dirigé vers eux. L'arme était tenue d'une main ferme par une grande femme osseuse au regard suspicieux. Ne bougez pas! L'avertissement jaillit, interrompant net le pas en retrait que tentait de faire Corton. Conscient que l'index de la femme était crispé sur la détente, ils écartèrent les bras du corps, mettant en évidence leurs mains vides. Le canon du désintégrateur s'abaissa légèrement, rendant l'atmosphère, qui était devenue bien pesante d'un coup, un peu moins tendue. D'où venez-vous? Notre vaisseau a fait naufrage, et nous avons échoué à quelques kilomètres de votre ferme. C'est vous que les adeptes de Baal le recherchent? La question directe fit l'effet d'une décharge électrique sur les trois hommes et la jeune femme. Un silence embarrassé suivit, que rompit Mazas, décidé à suivre son intuition qui lui disait qu'elle n'avait sans doute pas affaire à une ennemie. Et si c'était le cas? Une lueur amusée apparut dans les yeux pères de la fermière. On peut considérer votre question comme une réponse positive. Et elle abaissa son arme, la laissant pendre à bout de bras. Avec un soupir de soulagement, les nouveaux venus se décontractèrent et reprirent une position moins crispée. Entrez vite. La mère et la fillette se reculèrent, cédant la place à leurs invités. Ceux-ci ne se firent pas prier à deux fois pour obtempérer. La porte d'entrée soigneusement refermée derrière eux, ils pénétrèrent à la suite de leur hôtesse dans un vestibule donnant sur une grande pièce, meublée d'une table rectangulaire, de plusieurs chaises de fabrication visiblement artisanale et de deux fauteuils avachis. Dans un angle se trouvait un buffet massif, à proximité d'un guéridon surmonté d'un écran tridi encore allumé et où pérorait un homme en uniforme chamarré. Une énorme cheminée trônait contre le mur du fond, plusieurs bûches rougeoyantes se chargeant de chauffer la salle. La fermière posa son arme sur un râtelier fixé contre l'un des murs et supportant déjà un radiant antédiluvien. « Ça fonctionne encore, ces engins-là ?» interrogea Steve. « Si vous en doutez, je peux faire un essai sur vous ?» rétorqua la femme avec un sourire moqueur. « Merci, je vous crois sur parole. » Mazas interrompit leur échange. « Quand vous aurez fini d'échanger des amabilités sur les possibilités de ce radiant, j'aimerais bien savoir pourquoi vous nous accueillez avec autant de sympathie alors que vous avez été informé que nous étions recherchés. » Être recherché par les Antilles, c'est plutôt un brevet de bonne conduite pour nous. Ces fichus prêtres nous pourrissent la vie depuis qu'ils ont converti le gouverneur de Coriolan V à leur religion hégémonique. Tous les habitants du système sont plus ou moins devenus leurs esclaves. Comment est-ce possible? Je pensais au contraire que les mondes indépendants n'acceptaient aucune ingérence, d'où qu'elles viennent. Les dirigeants de l'Empire solaire en savent d'ailleurs quelque chose. C'était comme cela avant. Avant? Avant la venue du grand prêtre Shorgal et de sa nuée de moines soldats. Il a su s'attirer les faveurs du gouverneur, pourtant un brave type aimé de toute la population. Et du jour au lendemain, changement complet de décor. Ses administrés n'étaient plus bons qu'à servir tous ses suppôts de Baalol avec le risque d'être déportés dans un bagne de l'espace en cas de manquement. Goral émit un sifflement étonné. Cela corrobore ce que j'avais appris sur Tarsus. Et je dirais même que ça complète ce que je compte révéler au Lord Amiral. Car nous ignorions jusqu'à ce jour que les Antilles avaient noyauté certains des mondes indépendants. En tout cas, cela prouve que ces êtres n'hésitent pas à se servir de leur pouvoir psy pour transformer en pantins dociles les dirigeants des planètes convoitées. Le court silence qui suivit cette déclaration permit d'entendre le discours de l'homme de l'Atridie. Rappelons que nous ignorons le nombre des trafiquants de Sirtil, mais que leur capture n'est plus qu'une question d'heure. Notre gouvernement se montrera impitoyable dans sa répression à l'encontre de tels malfaiteurs et agira de même contre ceux qui seraient tentés de leur porter assistance. Corton désigna l'écran. C'est de nous que parle cette gravure de mode? Oui, et c'est comme cela depuis bientôt 3 heures. Acquiesça la fermière. Ça fait raison de penser que notre ruse avec le cœur de femme à l'autre ne tromperait pas longtemps le commandant du vaisseau anti. Et il n'a pas perdu de temps pour alerter les autorités de Coriolan. Qui ont délégué leur guignol de service pour informer la population de la venue des méchants. La femme leur désigna les sièges et posa la question qui les brûlait les lèvres depuis qu'elle avait entendu ce que disaient ses hôtes. Vous croyez réellement que le gouverneur et les membres de son équipe n'ont plus leur libre arbitre et qu'ils sont manipulés à leur insu par Shorgal et ses moines? Sans le moindre doute. Autrement, pour quelle raison aurait-il changé subitement du tout au tout, juste après l'arrivée des prêtres de Baalol? Vous disiez vous-même que c'était un brave type, aimé de tous ses administrés. Une ride profonde fendit le front de la femme, tandis qu'elle scrutait intensément le visage de ses visiteurs, comme pour chercher à savoir s'il lui avait bien dit la vérité. Le résultat de ses cogitations dut la satisfaire, car un bref sourire éclaira ses traits sévères, et elle s'approcha d'un buffet dont elle tira des verres et une bouteille remplie d'un liquide bleuté. Tandis qu'elle faisait le service, elle s'informa. « S'il vous recherche, c'est que vous êtes leurs ennemis. » « Disons que nous ne sommes pas vraiment en odeur de sainteté. » « Alors aidez-nous à nous en débarrasser. » Maza secoua la tête. « Ma pauvre amie, nous sommes en fuite et nous espérons trouver un moyen de quitter Coriolan V sans nous faire prendre, ce qui ne sera déjà pas facile. Je ne vois donc pas comment nous pourrions vous venir en aide. » Comme elle voyait s'assombrir son regard gris, elle ajouta. « Mais ce que je peux vous assurer, c'est que le Lord Amiral Atlan sera informé de votre situation. Et il est hors de doute qu'il interviendra pour vous tirer de leurs griffes. Vous en êtes sûr? Tout à fait. Les Antilles sont les adversaires des Arconides et des Terraniens. Depuis des siècles, ils désirent la suprématie dans la galaxie. Leur puissance est grande, pas encore au point d'inquiéter réellement l'Empire. Mais aussi bien Périrhodan qu'Atlan ne peuvent accepter qu'ils étendent leur influence sur les mondes indépendants. Car les rapports de force pourraient alors changer. Avec les alliés qu'ils ont déjà, et je pense entre autres aux passeurs, Arath et autres Arconides, ils pourraient rompre le fragile équilibre qui existe actuellement entre guerre et paix. D'accord, je vous crois. Je vous en remercie d'avance. Maintenant, je suppose que si vous êtes venu dans notre ferme, c'est avec un but bien défini. Oui, trouver des vêtements un peu moins voyants que nos combinaisons spatiales. Suivez-moi, il y a tout ce qu'il vous faut dans l'armoire de notre chambre. Quelques minutes plus tard, les fugitifs étaient transformés en paysans coriolanais. Mazas avait un peu renâclé en filet de jupe, mais la fermière l'avait assuré qu'elle aurait plus de chances d'être opérée si elle portait un pantalon. Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, elle s'était résignée à se glisser dans une robe de cotonnade de couleur terne. Steve n'avait pas manqué l'occasion de lui faire remarquer qu'elle avait de très jolies jambes qu'il était dommage de dissimuler dans un pantalon, ce qui lui avait valu de recevoir sa combinaison spatiale à travers la figure. Au moment de prendre congé de leur hôtesse et de sa fille, Mazas sortit son radiant psy. « Je suis désolé, mais il va falloir que je l'utilise sur vous. C'est d'ailleurs une sécurité pour vous. Car si les Antilles remontent pour une raison ou une autre jusqu'à votre ferme, ils ne pourront pas vous accuser de nous avoir aidés, puisque vous aurez été soumise au rayonnement du radiant psy. » « Je comprends, allez-y. Mais n'oubliez pas votre promesse. Comptez sur moi. » Et voilà. Les interprètes pour cette 10e partie sont K00 dans le rôle de Mazas Pavel, Christophe dans le rôle de Stevomir Hersing, Kael dans le rôle de Corton Nagez, Fred dans le rôle de Goral Tosef, Ezwa dans les rôles de la fillette et de sa mère, Mario Fecto dans le rôle de l'annonceur Tridé et moi-même à la narration. L'histoire et la majorité des personnages appartiennent à l'auteur et sont protégés par copyright. L'enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons et est une production 2008 des éditions de l'Avenir. Toutes nos productions sont disponibles gratuitement sous forme d'audiobooks ou d'audiodrama via notre blog à l'avenir-audio.canalblog.com. Merci de votre attention et à la semaine prochaine.